flow. Willy Willy, j'ai les mots, mais je sais pas comment t'expliquer. Y'a les potes, y'a les putes, les putes qui te font les potes. Les potes qui deviennent des putes, comment te dire, c'est compliqué, tu veux m'avancer. Fais péter tranquillo. J'appelle le coup, j'en se met en place, on se refait tranquillo.